À l'occasion du 107e anniversaire du châtiment infligé par le martyr Han Jong-un à Hirobumi Itō, principal coupable de l'agression contre la Corée, la cérémonie commune anti-japonaise de l'Association catholique coréenne et de la Société de commémoration de la mort d'Han Jong-un pour la justice de Corée du Sud a eu lieu du 25 au 27 octobre à Harbin, Chine. Les deux parties ont estimé le châtiment comme une action patriotique qui a montré dans le monde entier la volonté de la nation coréenne de ne pas vivre en esclave des forces étrangères, dénoncé la criminalité du Japon qui a imposé d'incommensurables malheurs et souffrances à notre nation, décidé de lutter ensemble pour exiger du Japon excuses et compensations pour les crimes du passé, et s'opposer à la dénaturation de l'histoire et aux manœuvres de réagression, de conjuguer les efforts contre les manœuvres de confrontation avec les compatriotes et de guerre des sécessionnistes qui empêchent la réconciliation, la cohésion, la paix et la réunification de la nation, et pour l'amélioration des rapports Nord-Sud et la réunification nationale sous la bannière de l'indépendance et de la Grande Union, d'appliquer comme il faut les déclarations communes Nord-Sud pour la paix et la réunification de la péninsule coréenne et le développement des rapports Nord-Sud, et pour l'immédiat de s'efforcer en commun pour la réussite du rendez-vous de réunification de divers milieux du Nord, du Sud et de la diaspora.